Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre histoire des ministres et des ministères dans la fabrique de l'histoire. Après avoir lundi voyagé à Versailles à la recherche de la première architecture de ministère à l'hôtel de la guerre ou encore à l'hôtel des affaires étrangères, puis être venu au contemporain avec le documentaire mardi Être ministre qui recueillait les témoignages d'anciens ministres et de ministres actuels sur leurs fonctions ministérielles et l'histoire du Figaro comme journal politique c'était hier, nous allons revenir à l'ancien régime ce matin en nous demandant comment on gouvernait sous Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. On ne les appelait pas encore ministres, ou plus rarement en tous les cas, mais secrétaires d'État ou encore membres des conseils. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Étaient-ils les précurseurs de nos actuels ministres? Quel rapport avaient-ils avec le souverain? Et quand il en avait un, de son principal de conseiller, donc qui s'appelait Richelieu ou qui s'appelait Mazarin. C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Thierry Sarment, conservateur en chef au musée Carnavalet à Paris, spécialiste du grand siècle et auteur d'un Louis XIV chez Dallandier également, avec Mathieu Stoll de Régner et gouverner Louis XIV et ses ministres chez Perrin. Christophe Blanqui sera également avec nous. Il est fonctionnaire parlementaire, auteur des institutions de la France des Bourbons chez Belin et d'un Saint-Simon où la politique des mémoires apparaît chez Garnier. Nicolas Chapira sera également avec nous. Il est maître de conférence à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur d'une histoire, littérature, témoignage, écrire les malheurs du temps chez Folio Histoire avec Christian Jouot et Daina Ribard. Et il travaille actuellement sur les secrétaires, donc les secrétaires auprès, sous l'Ancien Régime, les secrétaires au roi sous l'Ancien Régime et l'écriture justement de ces secrétaires sous l'Ancien Régime. Mais commençons cette émission par un petit tour des nouvelles d'histoire puisées dans la presse, les nouvelles et sur le net. Saluons d'abord la parution du numéro 3 d'une nouvelle revue, ou plutôt d'une revue rénovée. Depuis quelque temps, et nous ne l'avions pas noté, la revue 19e siècle s'est transformée en un bel objet éditorial presque carré sur un format proche de celui de 21 ou encore de France Culture Papier que nous trouvons en librairie et a changé de titre. Elle s'appelle désormais cette revue Le Magasin du 19e siècle. Publiée chez Champvallon et diffusée chez Harmonia Mundi, elle propose par exemple dans ce numéro 3 un bel entretien avec Laura Adler sur les femmes du 19e siècle, un autre avec Michel Perrault sur le 19e siècle intime et un gros et beau dossier sur la nuit dans lequel des historiennes et des historiens traitent de l'invention de la photographie nocturne par exemple, de la bohème littéraire au 19e siècle, du théâtre au 19e siècle ou encore des peurs urbaines dans ce siècle. Bref, une belle revue bien maquettée et originale pour 25€ en librairie. Ça s'appelle donc Le Magasin du 19e siècle. Voilà qui signe un tournant bienvenu dans la présentation et la publication parfois de revues savantes. Autre tournant significatif, j'ai appris cette semaine que le Métron était sur Kiss Kiss Bang Bang. Oui, le Métron, cette institution de l'histoire ouvrière et sociale, du nom de Jean Métron, maître d'œuvre du grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, est présent désormais sur la plateforme internet de recueil de fonds qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. Les éditions de l'Atelier, qui publient le dictionnaire, ainsi que les auteurs bénévoles des 500 biographies d'anarchistes présentes dans ce tome, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire des anarchistes, on y trouve Claude Pentier, Marianne Henkel, Hugues Lenoir ou encore le regretté Anthony Laurie, spécialiste du syndicalisme anarchiste de la fin du 19e siècle et dont on a appris la brutale disparition il y a une dizaine de jours. Donc ces auteurs et ces éditions de l'Atelier ont choisi de financer l'iconographie de cet ouvrage en faisant appel à ce qu'on appelle donc en anglais le crowdfunding, l'appel de fonds sur Internet. Un choix visiblement payant puisque les initiateurs du projet espéraient recueillir 1 500 € et ont d'ores et déjà dépassé cette somme. En cette heure de disette budgétaire, notons que ce genre d'initiative se multiplie puisque sur une autre plateforme de collecte semblable qui s'appelle Ulule, un lycée de Coutances dans la Manche vient de lancer une collecte pour continuer le remarquable travail qu'il a entamé ce lycée en 2004 sur les crimes de masse au XXe siècle. Cette association donc, de ce lycée qui s'appelle Les Sentiers de la Mémoire organise avec ses élèves un colloque tous les 2 ans, un colloque biennal, des séjours de lycéens au rendez-vous de l'histoire par exemple à Blois, mais aussi des voyages mémoriels en Pologne ou ailleurs autour de ces crimes de masse et ces génocides. génocide du XXe siècle. Et c'est pour monter un de ces voyages de lycéens en ex-Yougoslavie que cette association a fait appel à ce financement participatif sur Internet, où qu'en recherche, publication et réflexion sur l'histoire doivent trouver de nouvelles sources de financement en lieu et place de l'argent public qui commence à manquer. Mais après tout, tout en déplorant cette évolution, on peut aussi noter combien cette société fluide, supposée fluide en tous les cas, et horizontale, qui se manifeste sur les réseaux sociaux et sur l'Internet, bouscule les habitudes et peut-être les hiérarchies dans la recherche ou dans l'enseignement. Remarquons ainsi que plutôt que d'attendre une réforme des programmes d'histoire et de géographie venant du haut, le site de réflexion sur le renouvellement de l'enseignement de l'histoire et de la géo, qui s'appelle aggiornamento.org, a lancé d'ores et déjà une réflexion collective dans laquelle ce site demande à ceux et celles qui participent régulièrement à leurs débats de répondre à quelques questions. J'en donne quelques-unes. Les programmes d'histoire du collège ou du lycée doivent-ils être en priorité chronologique ou chronothématique, par exemple, ou bien quels sont, selon vous, les acquis indispensables en géographie à l'entrée au collège, ou encore les programmes d'histoire au collège comme au lycée doivent porter en priorité sur l'histoire nationale ou sur l'histoire mondiale, afin, dit Aggiornamento, de faire émerger un noyau de préoccupations communes chez les collègues qui suivent et qui participent aux travaux du collectif. Je terminerai ce matin ce petit tour d'horizon par quelques découvertes surprenantes. Le site Slate.fr nous apprend que nous pouvons désormais lire en ligne le superbe manuscrit d'Alice au Pays des Merveilles, illustré par Lewis Carroll lui-même en 1864. C'est donc désormais en ligne grâce à la British Library. Le Monde nous annonce dans un bref article la découverte récente de la tombe d'un pharaon jusqu'alors inconnu, il s'appelait Senebke. Le Point, dans un article complet, nous offre le compte-rendu du travail archéologique d'une équipe qui a fouillé depuis 10 ans un quartier périphérique de petits commerçants et d'artisans de Pompéi, et leur découverte rompe, dit Le Point, avec certaines idées communes sur par exemple le régime alimentaire des Romains au 1er siècle entre classes sociales différentes. Et enfin, notons que le site Vice, V-I-C-E, nous propose l'interview d'un ancien avocat new-yorkais qui, au tout début des années 80, a photographié ses amis gays new-yorkais dans un petit coin de Long Island où ils avaient l'habitude de se retrouver. Des photos Polaroid saturées qui décrivent une communauté homosexuelle dans son quotidien avant l'arrivée du sida, ou comment quelques photographies souvenirs, celles de cet avocat new-yorkais, se transforment par la force du temps qui passe en documents d'histoire. Comme d'habitude, vous pouvez, si vous souhaitez retrouver certaines de ces nouvelles, relire cette chronique sur notre site. Il y aura tous les liens qui conduisent à ces articles. Et s'il y avait une de ces nouvelles que vous souhaitiez puiser, Nicolas Chapira, bonjour, dans cette brassée de nouvelles que j'ai donnée à l'instant même. C'est surtout que cette brassée de nouvelles, comme vous dites, m'inciterait à tracer une sorte de continuité entre des pratiques anciennes et des pratiques modernes. C'est-à-dire que la problématique aujourd'hui si écrasante du financement, nous fait voir des formes de collaboration entre historiens professionnels et puis voilà, tout un monde hein, qui collabore à la production historiographique. Mmh. Alors évidemment, historien amateur, archiviste, ce que l'on appelait autrefois érudits locaux, archivistes, enseignants, qui font que l'histoire reste quelque chose de vivant au-delà des historiens professionnels. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Si vous aviez quelque chose à retenir, Thierry Sarment, parmi ces nouvelles. C'est l'affaire de la collecte de documents photographiques. Comme je travaille dans un musée, je suis sensible à cet aspect d'objets banals qui, avec le passage du temps, deviennent des objets d'histoire, et voire des objets de musée. Oui, et pour vous, Christophe Blanqui, il y a quelque chose qui vous a intéressé? Oui, c'est les solutions financières, le crowdfunding. En réalité, la bonne nouvelle, c'est que ça manifeste que l'histoire répond toujours à une demande sociale. La mauvaise nouvelle, c'est que comme cette demande sociale varie, notre propre travaux seront dépassés dans 10 ou 15 ans. Parce qu'ils vous le saviez avant même de commencer. Et la très bonne nouvelle, c'est que d'autres personnes feront mieux que nous après. Merci à tous les trois. Nous allons tout de suite commencer notre débat donc sur les ministres, les appelait-on ministres, sous l'Ancien Régime. Alors nous plongeons très loin avec cette musique qui était le générique de l'émission Les Rois Maudits. C'était donc plutôt le Moyen-Âge que l'époque qui nous intéresse. Mais néanmoins, on y voyait les intrigues de palais, les discours et les débats entre ceux qui étaient tout proches du roi. Enguerrand de Marigny, je me souviens par exemple, dans un de ses épisodes par exemple. Et donc les rois de cette période médiévale en l'occurrence, pour peut-être partir de ce point de vue, c'est-à-dire une sorte de point de vue commun. Qu'est-ce qu'était un palais? Comment dirigeait-on à l'époque, au tournant entre l'époque médiévale et l'époque moderne, la France? Comment gouvernait-on un pays comme celui-ci, Thierry Sarment? Alors, il n'est pas mauvais de commencer par les rois maudits, puisque Maurice Druon fait parler les personnages du règne de Philippe le Bel avec la langue du XVIIe siècle. Donc ça nous ramène au siècle dont nous devons parler aujourd'hui. Et sur cet imaginaire aussi du pouvoir de l'époque, c'est-à-dire du pouvoir des rois, de la façon dont ils gouvernaient, de façon serrée avec ses conseillers. C'est cet âge de Philippe le Bel, c'est le moment où on voit émerger des personnages qui ressemblent à ce que seront plus tard des ministres. Le fameux Marigny est un de ses premiers exemples de personnages qui sont quasiment pas des principaux ministres. Alors, si on va un petit peu plus loin, plus près de l'époque qui nous intéresse, Blanqui, on tombe sur le travail que vous avez mené sur les institutions de la France des Bourbons, qui commence, lui, à la toute fin du XVIe siècle. Mais il faut peut-être expliquer ce qui reste de cette période médiévale et post-médiévale, de ce début, d'époque moderne, dans ce que l'on va connaître ensuite, c'est-à-dire ce gouvernement de la France, du Royaume de France, Christophe Blanqui. Ce qui reste, c'est le roi. C'est pas mal. Non, mais la seule continuité sur toute la période de la monarchie, c'est le roi. Et c'est la seule permanence et c'est la seule variation, parce que sa façon d'assumer sa mission varie suivant sa personne et suivant les circonstances. Et on a replongé dans les rois maudits, vous avez parlé d'imaginaire, vous avez bien fait, parce que nous avons une représentation de la monarchie et du fonctionnement. En réalité, à toutes les époques, la monarchie a fonctionné suivant des règles extrêmement précises, très bien codifiées. Il n'y avait pas d'administration en forme, mais il y avait des procédures qu'on peut retrouver, qu'on suit, et dont on sait qui les faisait fonctionner. Et c'est parce qu'il y avait des procédures que le besoin est apparu de personnes qui authentifiaient les décisions du roi. Qui incarnait ces procédures, enfin, plutôt qui les signait, qui les authentifiait. Voilà, il faut partir des procédures. Et une fois que vous partez des procédures, tout est simple. Vous avez un processus de prise de décision et un processus de mise en forme des décisions. Les décisions du roi, elles étaient prises par lui en conseil. Et puis, il y avait derrière des personnes qui les mettaient en forme. Les secrétaires d'État sont les personnes qui étaient chargées de mettre en forme les décisions, de leur donner. Ils portent donc bien leur nom de secrétaire. Ils étaient là pour écrire. Ce sont d'anciens secrétaires du roi, qui ont acquis une place prééminente dans le fonctionnement de la monarchie, un rouage de la prise de décision. Si vous voulez, un gouvernant, il ne dit pas « je veux », il n'appuie pas sur un bouton et ça se réalise. Il y a toute une série d'actes à accomplir par derrière et les secrétaires du roi sont ceux qui font ça. Nicolas Chapirin, c'est important, vous travaillez sur cette question de l'écriture ces temps-ci, de la place de ceux qui sont plutôt plus tard ce qu'on appelle des commis par exemple, ou des gens qui sont à côté des secrétaires d'État, une fois que ça s'est institué comme institution, mais néanmoins cette question de l'écriture est fondamentale. Alors elle est fondamentale parce que lorsque on regarde le travail de tout ce personnel qui gravite autour du roi à partir de cette question de l'écriture, on voit à la fois la mise en place de procédures, la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un état de papier, avec une cascade d'écrits qui font que une décision du roi, pour qu'elle prenne véritablement acte, doit s'incarner dans toute une série d'actes écrits. Et en même temps, transmis, lus, prononcés sur des places publiques parfois, etc., pour justement que ça descende au plus bas de la société de l'Ancien Régime. Oui, pour que ça atteigne ceux qui sont concernés. Qui sont concernés par cette par toutes les décisions qui sont très variées. Et en même temps, le regard sur l'écriture, ça permet de voir aussi que toutes ces procédures peuvent donner lieu à des actions. C'est-à-dire que on peut décrire la constitution d'une administration monarchique de plus en plus nombreuse, avec des procédures de plus en plus réglées. Mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire au pouvoir et que le pouvoir fonctionne aussi à la transgression des règles ou à l'utilisation de règles pour produire de véritables actions politiques qui ne se réduisent pas à cette application de procédure. Alors, si on veut préciser à nos auditeurs qui, comme moi, n'y connaissent peut-être pas grand-chose à cette histoire-là, avant d'y travailler et de vous écouter, Thierry Sarment, si on se place du côté d'Henri IV ou de Louis XIII, qu'est-ce qui se passe? Comment gouverne-t-il? Et on va voir comment ça va évoluer tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, Thierry Sarment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le roi est en son conseil. Qui est ce conseil? Qui sont ses secrétaires d'État? J'ai cru comprendre qu'ils étaient quatre de façon assez régulière, que parfois ils seront cinq, mais la plupart du temps ils sont quatre, et qu'ils sont chacun cantonnés à un domaine de référence. Alors, il faut expliquer que la grande différence entre l'organisation gouvernementale de l'Ancien Régime et la nôtre, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité entre les fonctions ministérielles. Il y a le chancelier de France, qui est le chef de la justice, qui lui est un dignitaire inamovible, il est nommé à vie. Mm-hmm. C'est l'ancêtre du ministre de la Justice. Garde des Sceaux, qui siège d'ailleurs place Vendôme dans l'hôtel du chancelier. Vous avez le surintendant des finances, puis le contrôleur général des finances qui serait l'ancêtre du ministre des finances, et puis quatre secrétaires d'État qui au départ avaient des fonctions réparties suivant un plan territorial. Chacun s'occupait d'un certain nombre de pays et d'un certain nombre de provinces, et à partir du règne de Louis XIII, on voit se mettre en place une spécialisation non plus géographique mais thématique. Qui sont ? C'est-à-dire qu'on va voir apparaître les ministères actuels, à savoir la guerre, les affaires étrangères, après ça, dans un second temps, la marine sous Louis XIV. Et la maison du roi aussi. Et la maison du roi. Voilà. La maison du roi qui serait un ancêtre lointain du ministère de l'Intérieur. Alors ces quatre secrétaires d'État ce sont des charges, ce ne sont pas des. Ce sont des charges, donc ils sont. Des offices qui sont des propriétés, qui sont des offices vénaux, comme des charges de notaire aujourd'hui, et qui sont en théorie transmissibles à leurs enfants, les descendants, avec l'accord du roi. Et on voit se mettre en place des dynasties de ministres, comme les Colbert, les Le Tellier, les Philippot. La plus prolifique et la plus longue de ces dynasties, c'est les Philippot, qui sont ministres pendant presque 150 ans. Alors, on voit se dessiner ce qu'on pourrait appeler un conseil restreint, qui serait quoi, le conseil du roi, c'est cela? Ou est-ce que c'est autre chose? Parce que, je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver moi-même. Christophe Blanqui... C'est autre chose. Certains secrétaires d'État participeront au conseil restreint, mais le principe est que le titre de ministre, en réalité de ministre d'État, est réservé aux personnes que le roi invite à siéger au conseil du roi, qu'on appelle de différents noms suivant les époques, le conseil d'en haut, et puis ensuite le conseil de régence. Voilà. Et ce sont uniquement ceux-là qui sont ministres au sens où nous l'entendons, avec une responsabilité politique. Mais pourtant, il y a d'autres conseils, parce que j'ai cru comprendre que ce conseil d'en haut, qui était donc un conseil relativement restreint, avec la décision du roi d'inviter tel ou tel, était doublé, triplé, quadruplé, quintuplé par des conseils très variés, qui s'appellent le conseil des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil des partis ou le conseil privé, le conseil d'État privé des finances, le conseil de conscience, le conseil de commerce, et bien d'autres qui... Moi, je me suis un peu perdu dans ce tourbillon. Sont là pourquoi, en l'occurrence, tous ces autres conseils? Puisque c'est, dites-vous, du côté du conseil du roi ou du conseil d'en haut que se prennent les véritables décisions. C'est exactement comme vous avez maintenant un conseil des ministres et des comités ministériels. Vous avez, à cette époque, des formations qui se réunissent autour du roi et des formations qui se réunissent autour du fauteuil du roi. Et du fauteuil du roi, oui, sans le roi, vous sans voulez le, sans le roi. Il est réputé être présent, puisque tout se fait en son nom, mais il n'est pas là. Et à ce moment-là, c'est l'administration, l'appareil monarchique qui tourne. Les choses qui comptent, c'est ce qui se passe autour du roi, et dans des formations comme le conseil du roi ou le conseil des dépêches. Mais l'essentiel, si on veut être simple, c'est vraiment le conseil du roi, quelle que soit sa dénomination. Thierry Sarment, sur cette multiplication de... Il faut bien se dire que l'idée d'avoir des ministres responsables d'un domaine fonctionnel de l'État, un homme seul, c'est une idée originale et en fait une création française. Et dans toute l'Europe médiévale et moderne, la norme, c'était le gouvernement collégial par plusieurs conseils. C'était le cas en Espagne, c'est le cas chez les Habsbourg, en Suède, etc. etc. Et la France a fait cohabiter pendant deux siècles une tendance vers un gouvernement ministériel tel que nous connaissons, et puis un gouvernement par plusieurs conseils thématiques. Et d'après ces différents conseils dont l'architecture est, dans ces différents conseils dont l'architecture a varié dans le temps, il y a deux groupes. Il y a des conseils dits de gouvernement que le roi préside, et puis des conseils de justice et d'administration que préside le chancelier, et qui sont eux l'ancêtre du Conseil d'État actuel. Nicolas Chapira, donc si on avance encore un peu dans cette complexité de cette façon de gouverner donc, sous l'Ancien Régime, le roi est présent. Quand il n'est pas présent, son fauteuil l'est et on décide en son nom. Et c'est sa parole qui compte tout de même, parce qu'on sent beaucoup, en vous lisant tous, que, évidemment, ses conseils sont des conseils, mais que c'est lui qui tranche au bout du compte, Nicolas Chapira. Alors, bien sûr, formellement, c'est lui qui tranche, mais il y a en même temps là aussi une part de fiction. Une part de fiction parce que les récits du déroulement des conseils du roi que l'on a... sont écrits par des anciens conseillers, par exemple. Oui, alors sont écrits par des anciens conseillers, mais manifestent une présence assez différentielle du roi. Il y a des récits sur des conseils sous Louis XIII, où on voit que Louis XIII est en quelque sorte manipulé par ses ministres qui pour lui faire prendre telle ou telle décision. Il y a aussi une manière de présenter l'information, en l'occurrence. Il y a une manière de présenter l'actualité, il y a une manière de présenter les documents. J'imagine que selon la façon dont on les présente et dont les solutions sont proposées au roi, ça n'est pas la même chose, Nicolas Chapira. Il y a une manière de présenter les décisions. Il y a une manière de faire intervenir les différentes personnes qui sont dans le conseil dans un certain ordre, voilà, puisqu'il s'agit d'opiner. Hein, c'est-à-dire que chaque personne qui est présente au conseil doit donner son avis, on appelle ça opiner. Alors évidemment, suivant les envies contradictoires, suivant la succession des prises de parole, les décisions peuvent être différentes. Et puis alors, il y a encore une autre pratique. Cette fois, on a un récit... d'un ministre vite disgracié de Louis XIV, qui s'appelle Loménie de Brienne, qui raconte que au tout début, dans les premiers conseils du Louis XIV d'après 1661, hein, du Louis XIV émancipé de Mazarin, hein, son ministre de la guerre, Le Tellier, ne lit pas toutes les dépêches des ambassadeurs. Voilà. ou plus exactement, ce qui se passe, c'est que Louis XIV avait confié à ce Loménie de Brienne, qui lisait bien, la tâche de lire un certain nombre de choses dans le conseil. Et Le Tellier refuse qu'on lise les papiers que lui amène, manifestement parce qu'il veut pouvoir choisir dans ce qu'il lit au roi. Alors ça, c'est important parce qu'on n'a pas encore dit aussi que selon les périodes, mais la plupart du temps, souvent, il y a un ministre principal, pourrait-on dire, au milieu de ce conseil, donc conseil d'en haut, conseil du roi, Thierry Sarment, il y a une personnalité, elle peut s'appeler Richelieu à un moment, Mazarin plus tard ou encore d'autres au XVIIIe siècle, à qui le roi fait peut-être un peu plus confiance qu'à ses autres ministres. Alors le principal ministre, ce n'est pas la norme, c'est plutôt l'exception. Voilà. Et alors c'est de longues et prestigieuses exceptions qui sont Richelieu, Mazarin, le cardinal de Fleury sous Louis XV. Et puis parfois, il y a un ministre prépondérant. Il peut y avoir plus de poids que les autres. Dubois sous la Régence, voilà. Même si c'est très peu de temps. La grande différence avec l'organisation actuelle, c'est qu'il n'y a pas sous l'Ancien Régime d'organes comme sont le secrétariat général de la présidente de la République ou le secrétariat général du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe de centralisation de l'information, ni de répartition de l'information après entre les instructions du roi ou du principal ministre aux autres secrétaires d'État, ministres. Et donc, d'où l'importance des conseils, puisque c'est le lieu où... finalement, l'information s'échange. On a tout de même l'impression, Christophe Blanqui, qu'on est donc dans une aurore de l'administration, dans une aurore du gouvernement tel qu'on le connaît aujourd'hui, même s'il y a de grandes différences avec aujourd'hui, en particulier le rôle prépondérant, bien évidemment, de la décision royale, mais qu'il y a quelque chose qui se met en place avec des allées, des retours, parce que toute cette période n'est pas homogène. Ça n'est pas la même chose. À certains moments, on crée un type de conseil. À d'autres moments, on revient en arrière. carrière. Sous la Régence, on crée la police inaudite. On y reviendra peut-être un peu plus tard avec des conseils multiples. Ça durera 2 ou 3 ans et puis ça disparaîtra ensuite. Il y a des moments où, effectivement, tout cela est fluctuant. Ça n'est pas encore totalement figé. Alors, on n'est pas à une aurore. On est dans un système aussi bien rodé que le nôtre et aussi efficace. Ça, c'est la première chose, c'est très important. Les institutions monarchiques sont extraordinairement efficaces. C'est un autre système politique que le nôtre. Et l'appareil de gouvernement que nous décrivons ne préfigure pas le nôtre. Par exemple, la distinction absolue en pratique entre décision politique et organisation administrative, le fait qu'un secrétaire d'État puisse faire fonctionner ce qu'on appelle par simplicité une administration, mais qui n'en est pas exactement une, et ne soit pas un ministre d'État, c'est quelque chose d'impensable maintenant. C'est comme si vous confondiez un ministre actuel et un directeur d'administration centrale. Donc c'est la première chose, mais je crois qu'elle est très, très importante. Et on a un système dans lequel l'institution royale par elle-même est riche de potentialités et elle ne tient que parce qu'elle exploite successivement différentes potentialités. Et on peut distinguer des cycles dans le fonctionnement des institutions où on développe plutôt telle institution. Par exemple, Louis XIII est un roi extraordinaire parce qu'il développe des tas d'institutions. Il met en place des nouvelles procédures, il crée. Louis XIV ne crée pas. Il fait fonctionner ce qui marche. La police inaudite, on crée. Et puis ensuite, on fait fonctionner ce qui marche parce que ça coince. Mmh. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que je crois que parmi les historiens de l'Ancien Régime, et en particulier du Grand Siècle, il y a un grand débat. Est-ce que Louis XIV a fait une révolution en 1661, en prenant le pouvoir après la mort de Mazarin de façon plus marquée? Vous dites dans votre livre, en particulier avec Mathieu Stoll, donc Régner et gouverner, non, il n'y a pas de révolution de 1661, il est dans la continuité de ce qui se faisait auparavant. Ce sont des questions importantes pour essayer de comprendre quelle est la place du roi et également de tous ceux qui sont autour de lui dans le gouvernement de la France, en l'occurrence Thierry Sermon. Il n'y a pas de révolution, il y a une, je dirais, comme le disait Christophe Blanqui, il y a la cristallisation d'innovations qui ont eu lieu dans la première partie du siècle. Et la suppression du Premier ministre, elle est simplement un retour à une situation qui était considérée comme normale, puisque le roi de France gouvernait en principe par lui-même, sans Premier ministre. Mmh. Donc Nicolas Chapira, on voit bien par là qu'il y a donc de l'innovation liée à la question, on l'a redit encore, de l'écriture, mais aussi à la question des filiations, des promotions sociales, puisque évidemment, ces secrétaires qui, au départ, n'étaient pas forcément tous des nobles de la grande noblesse, le redeviendront peut-être plutôt au XVIIIe siècle. Ces secrétaires sont des gens qui progressent dans la société parce qu'ils ont à la fois la connaissance de l'écriture, mais aussi la confiance du roi, et parce qu'il faut savoir bien s'exprimer. Ce qui est très important, et ce que vous expliquez dans vos travaux, Nicolas Chapira, c'est que celui qui est considéré comme un bon secrétaire d'État, c'est d'abord quelqu'un qui sait bien rédiger, qui sait clairement rédiger. Et là, il y a comme une sorte de jeunesse de l'écriture administrative contemporaine. Là, tout de même, Nicolas Chapira. Oui, il y a une anecdote que j'aime beaucoup qui est rapportée par ce même Loménie de Brienne, qui est donc ministre de Louis XIV, mais qui va être disgracié très tôt. Et alors ensuite, il a eu tout un tas de mésaventures qui lui ont valu notamment d'être enfermé une vingtaine d'années à l'asile de Saint-Lazare. Bon, et là, il a beaucoup écrit, et donc notamment ses mémoires. Et alors, dans ses mémoires, il raconte que vers 1657-1658, là, le roi Louis XIV est encore assez jeune, hein, il raconte une scène où lui, déjà secrétaire d'État, va lire à la reine-mère Anne d'Autriche un projet de lettre patente pour le transfert de reliques d'un sanctuaire à un autre. Lettre patente, donc un acte royal qu'il est en charge de rédiger. Voilà. Et puis arrive Louis XIV, qui déboule dans la pièce et qui entend la lettre patente et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui c'est qui a rédigé ça ?» Et alors le ministre Brienne dit « Je l'ai fait rédiger par mon premier commis qui lui-même avait demandé conseil à Antoine Arnauld, c'est-à-dire un janséniste célèbre. » Et Louis XIV dit « Le roi ne doit pas parler en janséniste. Oui, j'en suis bien aise, dit sa majesté, mais cela ne me convient nullement, dit-il. Il prit ses lettres et les déchira, et me les jetant, me dit « Refaites-en d'autres où je parle en roi et non en janséniste ». C'est formidable, c'est fait, effectivement, comme histoire. Et c'est-à-dire que ce qui se joue là, hein, c'est que il ne s'agit pas seulement de parler clairement, hein, ouais. La langue du roi est le produit d'un certain nombre de choix qui sont effectués par les ministres. Et on trouve des réflexions là-dessus bien plus tôt. Hein, il y a un juriste de la fin du XVIe siècle, Jean Papon, qui écrit que la langue du roi ne doit pas être la même quand il s'agit de produire un édit à destination des paysans pour leur épargner des impôts que si c'est un édit qui concerne les armées du roi. Thierry Sarment, mais pour faire ça, il faut avoir formé ces gens-là. Ils sont formés comment? Vous le racontez dans votre livre « Régner et gouverner » chez Perrin. Ils sont formés en particulier quand ce sont des enfants, donc des porphyrogénètes, donc des enfants de dignitaires. Destinés à des fonctions ministérielles. Ils sont formés très tôt. Le Lominique Brienne, dont on parle en l'occurrence, il est formé à 15 ans. Il va dans le ministère de son père à 15 ans. Il va l'aider à travailler. Certains passent par des collèges, hein, qui sont les lointaines préfigurations de nos lycées, mais l'essentiel de la formation, elle se fait par la pratique, dans les bureaux auprès des commis en tout cas, et ils ont aussi des professeurs particuliers, notamment pour le droit. Voilà, on les chauffe un petit peu avant de les lâcher à des travaux de rédaction. Mais on peut prendre des fonctions supérieur. Très tôt, puisque ce Lominique Brienne, qui malheureusement aura un destin un peu compliqué pour lui plus tard, mais ce Lominique Brienne, il va avoir des fonctions, il n'aura pas 20 ans. Il faut voir qu'il y a une montée en puissance, parce que les pères sont prudents, il faut éviter que le fils se mette en mauvaise position en montrant son ignorance. Donc on fait faire des travaux de plus en plus complexes, mais les jeunes signent des pièces de routine, par exemple, pour commencer. Alors, Christophe Blanqui, quand on s'approche de ce moment-là, on se dit aussi qu'il faut avoir l'oreille du roi. On comprend ce que ça veut dire avoir l'oreille du roi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de donner des conseils, mais qu'il faut qu'ils soient entendus, ces conseils. Il y a donc tout un jeu qui est décrit par les mémorialistes, et vous avez travaillé sur Saint-Simon. On va bientôt pouvoir bénéficier d'un livre sur ce sujet-là. Et vous expliquez comment Saint-Simon lui-même, membre du conseil du roi, du conseil de régence, auprès du régent, eh bien, à la fois des entretiens particuliers, le roi lui dit, c'est bien beau cette histoire, mais j'ai pas pu tout dire devant le conseil. Donc, je vous explique pourquoi j'ai pris cette position. Et donc Saint-Simon comprend pourquoi lui, qui était choqué par telle ou telle position du roi, eh bien pourquoi la décision royale était la meilleure. Et le roi lui dit, la prochaine fois, je vous l'expliquerai avant d'intervenir en conseil. Et vous comprendrez pourquoi. Et là, vous ne direz pas que vous n'êtes pas d'accord au bout du compte. Donc, il y a tout un jeu subtil de conseils qui sont très intéressants quand on s'en approche, Christophe Blanqui. Alors là, vous passez au personnel ministériel proprement dit, c'est-à-dire les ministres d'État, ceux qui vont participer à la délibération, dont certains seront des secrétaires d'État. Mais c'est le personnel politique. Ceux-là ont une formation aussi qu'ils ont acquis sur le terrain. En se faisant associer aux décisions ou par les fonctions qu'ils exercent comme gouverneur de place ou de province. Ils pratiquent l'écriture administrative, ils sont capables d'écrire des mémoires dans une nuit, d'écrire des mémoires d'une vingtaine de pages eux-mêmes. Ils maîtrisent ces questions et c'est pour ça que quand on regarde leurs archives qu'ils ont constituées, ils ont rassemblé des précédents, ils ont des centaines et centaines de volumes dans leur bibliothèque privée. Ces hommes politiques ont une espèce d'administration privée et formés à la décision, ils essaient de convaincre le roi d'opiner dans leur sens. Voilà. Ils ont une culture politique qui est légèrement différente de celle des secrétaires d'État, bien qu'ils soient liés familialement. Et ils sont sur un autre plan. Ils sont sur le choix de la décision, clairement, et pas celui de la pratique. Et ils incarnent, et exactement comme maintenant, ils incarnent des choix politiques. Vous avez, malgré la variation des institutions, la persistance ce qu'on appelle des partis, par exemple le parti des Vaux, qui se traduit par un certain nombre d'engagements politiques, de choix, de diplomatie et de gestion des finances. Donc on va chacun essayer de faire valoir son point de vue et il faut rester en place dans le Conseil en gardant la faveur du roi sans aller trop loin, de peur d'être chassé et de faire tomber son parti. Et ça, c'est fondamental, effectivement. C'est un peu comme des remaniements ministériels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut y être, il faut y rester. Et on représente pas simplement sa simple personne quand on est dans ce Conseil du Roi, mais on représente aussi tous les gens qui sont derrière vous, d'une certaine façon, y compris d'ailleurs une clientèle, puisque ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a les placés qui arrivent régulièrement jusqu'au roi, et on les présente dans ce Conseil du Roi, on dit s'ils ont tel ou tel a le droit d'intervenir sur ce sujet, etc. Thierry Sarment. Alors, il y a une part de théâtre dans le Conseil d'en haut de Louis XIV, ou dans le Conseil de la Régence, sous la Régence de Philippe d'Orléans. C'est-à-dire, évidemment, les grandes décisions ne sont pas forcément élaborées là. Et c'est cette affaire de Saint-Simon qu'on prie de ne pas intervenir. Faire le trublion pendant la réunion. De même que de nos jours, il n'y a pas de débat véritable dans le Conseil des ministres du mercredi matin. Bon. Par ailleurs, tout l'art, c'est évidemment d'être toujours présent auprès du monarque. C'est comme le bureau qu'il faut avoir le plus près possible à l'Élysée du président. Bon. Et donc, Saint-Simon, évidemment, il cherche toujours à aller hanter les antichambres du régent pour faire prévaloir son point de vue. Nicolas Chapirin. Pour le coup, hier comme aujourd'hui, je crois qu'il y a une chose fondamentale qui est la production de la confiance entre le roi, le principal ministre et ses ministres. Et l'on voit là que le personnel des commis et des secrétaires peut être un agent essentiel de cette confiance qui est nécessaire pour le bon fonctionnement des choses. On en a encore parlé parce qu'il y a tous ces gens qui sont derrière le secrétaire d'État ou derrière le ministre d'État. Il y a tous ces gens qui sont les commis. Qui sont-ils? Comment sont-ils recrutés là aussi? Et quelle confiance leur fait-on, Nicolas Chapirin? Alors, les commis symbolise traditionnellement la montée en puissance de l'administration monarchique, le fait que cette monarchie a besoin d'un personnel de plus en plus nombreux qui va être casé dans des bureaux d'où il traite tout ce matériau écrit, les lettres qui arrivent, les lettres qu'il faut écrire. Et avec ces commis, il y a, du début à la fin de l'Ancien Régime, des secrétaires particuliers qui sont très nettement des domestiques des secrétaires d'État ou des domestiques même des commis. Et en fait, ce personnel, on peut le considérer relativement comme unifié par la fonction de domestique, par le statut de domestique qui implique une dépendance au maître et qui implique des rapports très étroits de confiance. Mais un domestique d'un genre un peu particulier, puisqu'on lui demande parfois son avis, on a le droit de jouer aux cartes avec lui, donc on casse un peu la logique de caste qui est la logique particulière de l'Ancien Régime, avec ce domestique-là, en tous les cas, dans ce petit cénacle qui est autour du secrétaire d'État ou autour du conseiller du roi. Alors quand je dis domestique, je fais allusion à deux grandes modalités de construction de cette administration monarchique. Il y a d'un côté une construction par l'office, on donne des charges qui s'achètent, qui sont inamovibles en principe. Et puis à côté de ça, il y a un fonctionnement du côté du domestique, c'est-à-dire d'un personnel en qui on fait confiance, avec qui on peut avoir effectivement une certaine familiarité, mais qui est subordonné et qui est extrêmement dépendant, qui peut être renvoyé. Et ça fait partie de la possibilité d'exercer le pouvoir à cette époque. D'un côté, un personnel stable, et de l'autre, une tendance à utiliser un personnel domestique. Thank you. C'était sur les pompes de Versailles et de Lully, donc la marche triomphale. Continuons notre discussion, notre débat autour de ces conseillers, secrétaires d'État, membres du Conseil du Roi, sous l'Ancien Régime. Alors Thierry Sarment, on a l'impression que ces nobles, au bout du compte, qui sont près du roi, sont inamovibles, puisque vous nous avez raconté qu'ils étaient donc choisis de père en fils. C'était des charges qu'on pouvait transmettre à ses enfants, à un de ses enfants, et que certains d'entre eux étaient restés pendant, des dynasties qui étaient restées pendant 150 ans. Néanmoins, le roi peut quand même décider de se séparer de tel ou tel et de le remplacer par un autre. Alors, ça arrive même assez fréquemment. Alors, il y a le cas de ce qu'on appelle les survivanciers, le fils qui est préparé à l'exercice de la charge de son père et qui se révèle inférieur à sa tâche. Et en fait, dans ce cas-là, on obtient de lui sa démission. C'est arrivé un fils de Colbert, que Colbert avait formé pour être surintendant des bâtiments après lui, et qui s'est révélé incapable d'assimiler les principes de l'architecture et de la comptabilité. Et alors, devant son incapacité administrative, on lui a fait démissionner de sa charge, et il a fait une belle carrière dans l'armée, et il est mort sur un champ de bataille, opportunément. Christophe Blanqui, sur cette question de ceux qui sont là, parce que ce que j'ai cru comprendre en vous lisant, c'est que pendant une période de montée en puissance, pourrait-on dire, de cette administration, des gens qui n'étaient pas forcément de la plus grande noblesse participaient assez fréquemment à ces conseils, quels qu'ils soient, et puis qu'au XVIIIe siècle, les nobles les plus gradés du royaume se sont dit tout de même, ce sont de beaux postes et on va y revenir. J'ai cru comprendre qu'il y avait un nouvel intérêt au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, pour la très grande noblesse à participer justement à ces réunions-là et ne pas regarder en spectateur ce qui était en train de se passer. En réalité, la grande noblesse ne s'est jamais désintéressée des affaires gouvernementales. Elle a été tenue par Louis XIV en lisière, puisque en fait, il n'y avait qu'une seule personne réellement qui a eu rang de ministre d'État sous Louis XIV, Beauvilliers. Mais elle a toujours voulu assurer ce rôle parce que c'était sa fonction. Elle se pensait comme étant quand un duc est père, il se pensait comme étant le conseiller né du roi. Mmh. Et imaginez le souverain, il vit dans son palais avec une cour. Les gens qu'il rencontre, ce sont les gens de la cour, c'est la haute noblesse. Donc vous avez le personnel ministériel proprement dit, avec les deux catégories qu'on a dites, et puis des personnes qui comptent, qu'il consulte. Qui ne sont pas ministres. Par exemple, Vauban, pour prendre un cas célèbre, est interrogé sur toute une série de questions, et pas seulement militaires. Oui, la dîme, le fameux rapport sur la dîme, par exemple. Et vous avez toute cette société qui est organisée avec une très haute noblesse qui possède en propriété des duchés, qui tient la terre du royaume d'une certaine manière, et qui exerce en plus des fonctions administratives réelles. Être gouverneur de province, d'une place, c'est une correspondance administrative, des décisions ponctuelles, les choix du personnel des corps de ville, c'est une influence énorme. Ce sont des interlocuteurs quotidiens des ministres. Et donc tous ces gens-là se battent pour faire prévaloir leur vue et pour influencer le roi et prendre place au Conseil. C'est leur ambition. Mais ils n'y parviennent vraiment qu'au XVIIIe siècle, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ils y étaient avant Louis XIV. Ils y étaient avant 1661, à une exception près, et ils y reviennent en force. Le plus bel exemple, c'est quand Monsieur le Duc, le petit-fils du Grand Condé, devient Premier ministre. Nicolas Chapierin. Il y a peut-être une chose qu'il faut ajouter pour compléter le tableau, c'est que cette grande noblesse de cour, même quand elle n'est pas dans les conseils, s'efforce de promouvoir des secrétaires d'État qui lui sont proches. Mmh. Et toute une partie du jeu de cour au XVIIe et au XVIIIe siècle consiste à pousser des prétendants qui vont devenir des secrétaires d'État proche de telle ou telle coterie de la cour. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé avec vous trois, Thierry Sarment, c'est l'image que pouvaient avoir ces conseillers proches du roi, secrétaires d'État, membres du Conseil du roi. Quelle image pouvait-il avoir dans la population ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une permanence, c'était le discours public, d'une opinion publique en train de naître. C'était de dire évidemment que le roi n'était pas responsable parfois des mauvaises décisions qui étaient prises. En revanche, il avait de mauvais conseillers. Le roi est bon et il a de mauvais ministres. Bon, particulièrement les ministres des finances. Sont particulièrement impopulaires. Après, certains ministres ont visiblement cherché à organiser leur propagande. Et c'est particulièrement net pour Colbert. Il y a des centaines d'estampes avec des portraits de Colbert, des allégories à sa gloire. Il a cherché à avoir une popularité qu'il n'a certainement pas eu de son vivant, mais qui, en revanche, a réussi a posteriori après sa mort. Parce que le mythe du grand Colbert commence dès le règne de Louis XIV. Christophe Blanqui, sur cette opinion qui exonère de la responsabilité des mauvaises décisions le roi, le prince, mais qui, évidemment, charge considérablement, je ne sais pas, Louvois ou tel autre, c'est une pratique constante tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Et qui correspond à une réalité d'une certaine manière, puisque un des plus beaux exemples, c'est le cas de Luynes, qui était favori de Louis XIII, et qui se voit imposer par le roi une campagne militaire dont il ne veut pas, et qui est obligé de l'assumer parce qu'il a été nommé connétable, et qui meurt dans le siège d'une... C'est même pas une petite ville, c'est une bourgade, et il est responsable de l'échec militaire. Il meurt, il est responsable, et le roi est exonéré de toute responsabilité, alors que la responsabilité politique est la sienne. C'est lui qui avait absolument voulu. Mais ce n'est qu'un exemple particulier des virtualités de l'institution monarchique, le fait que la personne royale est double. Vous avez l'individu, l'homme politique, et puis l'institution. Et quand on dit le roi est innocent, c'est l'institution qui est innocente. Nicolas Chapira. Oui, il y a peut-être encore un autre aspect des choses, c'est que, évidemment, à partir de notre conception du politique, on a tendance à opposer ce qui serait l'État à une opinion publique qui jugerait les gouvernants. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que le roi de France se moque assez de l'opinion publique, et qu'en revanche, il y a des mises en scène de l'impopularité du ministre ou de la vindicte du peuple à l'égard de tel ou tel puissant à partir du moment où il est disgracié, des mises en scène qui visent à légitimer aux yeux du pouvoir et aux yeux de cercles qui comptent véritablement, qui ne sont pas le peuple, la chute, la disgrâce. La disgrâce. Voilà. Bon, Fouquet, ça et peut le... en faire partie ou d'autres. Et notamment, il y a tout un jeu de pamphlets, d'écrits autour de la disgrâce des ministres qui ne sont pas à prendre comme l'expression d'une opinion publique, mais comme du jeu de pouvoir. Thierry Sarment, dans votre livre, vous mentionnez un tableau que je ne connais pas, d'Eustache Le Sueur, qui s'appelle « Allégorie d'un ministre parfait » et qui date de 1653. Et vous dites que ce que montre ce tableau d'Eustache Le Sueur, donc, qui se veut une allégorie d'un ministre parfait, ce sont les qualités dont a besoin le ministre. Et ces qualités sont, selon Eustache Le Sueur, la prudence, la force et la sagesse, incarnées par Minerve, et le secret. Est-ce que ces qualités sont des qualités qui sont partagées dans l'imaginaire de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française comme étant les qualités d'un bon ministre, en l'occurrence? Alors, il s'agit donc bien du ministre parfait, pas du secrétaire d'État. Mmh. Donc, on parle du ministre en tant que conseiller immédiat du roi, du prince. Alors, le secret, d'ailleurs, c'est un petit enfant avec le doigt sur la bouche. Oui. C'est la conception qui va, en fait, durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, sauf qu'elle se dégrade avec les troubles annonciateurs de la Révolution, et celui qui rompt notamment avec l'idée du secret, eh bien c'est Necker avec le compte-rendu au roi, parce que c'est la naissance d'une opinion publique. Necker publie ce compte-rendu au roi, donc il se tourne vers l'opinion. Et c'est un appel à l'opinion qui aurait été inimaginable 20 ans ou 30 ans plus tôt. Au bout du compte, Christophe Blanqui, ces personnages, et en particulier plus on se rapproche de la Révolution française, qui sont donc tout proche du roi et qui appartiennent à son conseil, sont des personnages dont on peut envier le destin dans ces années-là, ou qui, parce qu'ils sont toujours sous la menace d'une révocation, peuvent être des personnages qui sont toujours, disons, menacés d'être exclus et même dégradés à l'intérieur de la société de l'Ancien Régime, Christophe Blanqui. Fondamentalement, est-ce qu'on ne peut pas envier quelqu'un qui voulait être ministre et qui l'est devenu? Parce que la situation que vous décrivez est celle-là. Ce sont des hommes politiques qui veulent exercer des fonctions ministérielles et mener une politique et qui y arrivent en passant des compromis. Alors ensuite... Oui, ça, vous décrivez une situation qui est relativement contemporaine. Elle n'est pas tout à fait contemporaine. Parce que leur jeu politique se déroule dans une très longue durée. Quelqu'un de disgracié, par exemple Argenson ou Choiseul, espéreront pendant 20 ans revenir au pouvoir. Saint-Simon, chassé par M. le Duc après la Régence, espère revenir au pouvoir pendant tout le ministère de Fleury. il va pourtant écrire ses mémoires pendant ce temps-là. Remarquez, oui, c'est mieux pour nous. Mais ce sont, voilà, c'est leur longue durée. Nicolas Chapira. Et alors déjà, il fait déjà partie du jeu politique de dire haut et fort qu'on n'est pas intéressé par les charges, qu'on est très content d'en être libéré. Et alors ça, je dis, ça fait déjà partie du jeu politique parce que l'émission que vous avez consacrée il y a deux jours a des paroles de ministres disant mais être ministre, ce n'est plus rien aujourd'hui, ouais. Ça ne paye pas, etc. Voilà, ça fait partie de la mise en scène de la politique. Ça fait un écho à ce que vous connaissez au XVIIe siècle, Thierry Servant. C'est un jeu qui, après l'affaire Fouquet, est sans grand risque. On n'est pas... Il n'y a pas de grand procès, il n'y a pas d'exécution. Le jeu, il redevient risqué, évidemment, avec la Révolution, puisque un certain nombre des ministres de Louis XVI vont finir sous la guillotine. Merci à tous les trois d'avoir accepté ce jeu, qui n'était pas si simple, d'évoquer cette personnalité et cette façon de gouverner la France donc sous l'Ancien Régime, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et tous ceux qui voudront en savoir plus, évidemment, il faut qu'ils aillent vous lire. Donc, ils peuvent vous lire Christophe Blanqui, donc avec les institutions de la France des Bourbons. Donc, c'est chez Belin. Et on attendra, ça doit paraître quand, le Saint-Simon, cette politique des mémoires. Ça dépendra de la rapidité de l'éditeur maintenant. C'est chez Garnier. Ça sera chez Garnier bientôt. Pour vous, Thierry Sarment, on peut lire donc Louis XIV, Homme et Roi, la biographie que vous avez consacrée à Louis XIV, c'est chez Talendier. Puis avec Mathieu Stoll, Régner et gouverner, Louis XIV et ses ministres, c'est chez Perrin, c'est paru en 2010, il y a 3 ans. On peut le trouver très facilement. On signale également Histoire, littérature et témoignage, écrire les malheurs du temps pour vous, Nicolas Chapira, avec chez Folio Histoire, avec Christian Jouot et Daina Ribard. Et puis vous travaillez sur ces secrétaires particuliers de l'Ancien Régime. On verra ça d'ici quelques temps. Et oui, je l'espère fortement. Merci à tous les trois, en tous les cas. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Claire Maillot, Marie-Bonne Bolivier, Aurélie Marseille, Élise Leu était à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous y trouverez également à la page du jour la chronique de début de cette émission, la semaine historique. Donc, et vous pourrez y trouver tous les liens nécessaires pour pouvoir aller sur ces articles. Donc, c'est donc sur la page www.franceculture.fr. À la page de la Fabrique de l'Histoire, vous pouvez écouter les émissions pendant 1000 jours, les télécharger pendant 1 an après leur diffusion. Et également, une fois que tout cela est fait, laissez bien entendu vos commentaires positifs ou négatifs, ainsi que discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou nous suivre sur le réseau Twitter.